Nuit du destin. Laylatul Qadr. La nuit du destin, Laylatul Qadr, est l'une des 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Elle est la nuit où le Coran a été descendu. Les actes vertueux accomplis durant cette nuit équivalent à ceux d'une période de 1000 mois. Allah le Très-Haut dit: Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'esprit descendent par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Sourate la nuit du destin, du 1er au 5e verset. Le Coran l'a aussi décrite comme étant une nuit bénie. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nous l'avons fait descendre, le Coran, durant une nuit bénie. Sourate la fumée, 3e verset. Concernant les mérites de Laylatul Qadr, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit: quiconque prie durant Laylatul Qadr avec foi et espoir en la récompense d'Allah sera pardonné de tous ses péchés passés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, recherchait Laylatul Qadr et recommanda à ses compagnons d'en faire de même. Il réveillait les membres de sa famille durant les 10 dernières nuits de ce mois béni, et ainsi, il passait ses nuits bénies en adoration. Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, disait: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Elle a aussi dit: lorsque débutaient les 10 derniers jours de Ramadan, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, cessait tout rapport sexuel, redoublait d'ardeur et restait éveillé toute la nuit à prier en réveillant aussi sa famille. Hadith rapporté par Al-Bukhari.